On a observé une partie du, on va l'appeler comme ça, une partie du groupe RT, pour parler d'RT France, qui a subi pas mal de difficultés du côté de la France et de l'Union européenne avec sa suspension. La justice a même récemment encore tranché. RT France a été mise sous liquidation. Est-ce que pour parler d'autres choses pour sortir de la considération de cette géopolitique-là, l'Afrique média dérange aussi parce que ces puissances occidentales ne peuvent pas faire d'Afrique média ce qu'on a fait d'RT France, par exemple. La relation entre Afrique Média et RT France aussi, ça dérange. Ça, il faut noter cela. Et en plus, la collaboration entre Afrique Média et d'autres partenaires pourtant blâmés par l'Occident, ça encore, ça dérange. C'est comme si Afrique Média empêche certains médias, des médias internationaux, d'être isolés, parce que Afrique Média, c'est aussi plusieurs divisions dans beaucoup de pays. Donc, Afrique Média empêche, bien sûr, l'isolement d'autres médias. Donc, Afrique Média empêche l'Occident de gagner sa guerre de communication qu'elle est en train d'imposer injustement au reste du monde. Parce que n'oubliez pas, dans la guerre de communication de l'Occident, des points et des questions. Et la première rubrique, il s'agit bien sûr de donner un coup de pouce à tous les médias occidentaux et de créer d'autres médias occidentaux. C'est pourquoi vous allez voir France 24 interviewer le leader d'Al-Qaïda ici. Et ensuite, autre rubrique, c'est quoi? Il est question pour, bien sûr, les Occidentaux d'essayer d'empêcher la diffusion des autres médias non occidentaux, des autres médias qui ne véhiculent pas, qui ne diffusent pas leur politique nazie et néo-nazie. Dans ce cas, il faut s'attaquer à RT France, il faut s'attaquer à Presse TV du côté de l'Iran, il faut s'attaquer à d'autres médias. Et notamment, il faut s'attaquer aussi à Afrique Média. Et dans ça encore, il faudra voir autre volet. Il faut essayer d'inonder les comptes panafricains. Il faut créer des faux comptes. Il faut essayer de les inonder. Il faut essayer d'affaiblir les panafricains au maximum, les faire insulter, les attaquer jusqu'au niveau de leur plateforme. Là encore, ça ne marche pas. Autre chose, qu'est-ce que l'Occident propose de faire? Il faut tout simplement bloquer les comptes des panafricains. C'est pourquoi Afrique Média est constamment sabotée en pleine émission. C'est le cas avec RT France qu'on essaie de former du côté de la France. Et dans tout ça, ils vont vous dire quoi? Liberté d'expression. Au même moment, qui sont derrière, je crois que mes frères du côté de la France sont encore connectés, qui sont derrière les journaux tels que Libération et tels que Le Monde? C'est des journaux rachetés par des milliardaires aujourd'hui. Xavier Niel, Mathieu Picasso et autres milliardaires. Donc ce sont eux qui sont derrière, pourtant ils sont les propriétaires des multinationales. Donc on va vous faire croire à une sorte de liberté de presse. Or derrière ces médias, vous avez des milliardaires ou vous avez des États, bien sûr, qui pratiquent une politique néo-nazie. Notre frère Adria, combien de fois il a échappé à des tentatives d'assassinat? Mais on n'en parle pas. Pourtant c'est un citoyen français. Mais la France même a voulu tuer ce citoyen français tout simplement parce qu'il a étalé aux yeux du monde, à partir de son compte et à partir de certains médias dont il a accès, et la barbarie, les crimes auxquels participent, bien sûr, les armes françaises du côté de l'Ukraine. À cause de cela, un citoyen français a failli se faire tuer. Et quel serait le sort réservé à Afrique Média, qui n'est pas un média français, qui n'est pas un média américain? Donc comprenez que nous devons assumer notre destin de telles pratiques. Ça va continuer, ils vont même aller au-delà, mais au même moment, nous, ça nous fait de la publicité. Merci au frère Palian qui a appelé pour le dire. Ça fait de la publicité à Afrique Média. Ça fait de la publicité aux panafricains. Même si nous, on n'a pas besoin de leur publicité pour nous émerger. Mais bien sûr, ils peuvent continuer de faire notre publicité auprès de leur propre opinion là-bas. Et leur opinion peut-être prendra le soin de découvrir Afrique Média qui doit bien sûr prendre le soin de multiplier, de diffuser dorénavant dans plusieurs langues. Il faut aller au-delà des langues habituelles. C'est de cela que les questions. Bientôt, il faut se lancer, bien sûr, dans la conquête, bien sûr, de l'espace mondial. C'est de cela que les questions. C'est une guerre de communication déclenchée par l'Occident et aujourd'hui qui est en train de retourner contre l'Occident. Il en est de même comme toutes les sanctions qu'ils ont décidées contre les autres peuples et aujourd'hui les sanctions qui sont en train de retourner contre eux. C'est comme ça, ce sont des gens qui réfléchissent mal, des gens qui calculent mal, des gens qui prennent leur propre peuple en otage. Donc, ils n'ont pas, depuis, ça fait des siècles, qu'ils sont dans ça, ce sont les mêmes, les descendants de ceux qui ont été esclavagistes, de ceux qui sont des colons, ce sont les mêmes qui continuent, bien sûr, de prendre des états en otage, et ce sont des cannibales, ce sont des vampires. À nous autres, d'essayer de nous défendre, à nous autres, de ne pas accepter d'être de la chair pour ces gens, à nous autres, de ne pas accepter que notre sang profite à ces cannibales, à nous autres, bien sûr, d'envoyer ces cannibales d'une autre époque, manger de la paille, bien sûr, brouter de l'herbe, et bien sûr, et il faut les faire disparaître tout simplement. C'est la guerre, M. Junior Wafo, et dans la guerre, on ne pleurniche pas, on ne pleure pas, on ne s'apitoie pas sur son sort. Quand on vous donne un coup de pied, il faut savoir répondre par trois vaillants coups de pied. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous.